Les soins de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se siente? Perdu la tête, où est le chemin de ma mère? Et pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ou pour d'autres femmes? Elle deja de ser mujer, pour eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Podcast en deux parties. Salut les auditrices. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet difficile, de la mort. Et de comment se passe le passage vers la mort, les obsèques, tout ça, le deuil, grâce à mon interview de Balthazar, conseiller funéraire. Si je remonte à mes premiers souvenirs, la mort m'a d'abord intriguée. J'étais d'abord convaincue qu'elle était si stupide qu'elle se contrerait en ne cessant jamais de dormir, manger, boire. Il n'y avait pas de raison pour qu'une machine qui jusque-là fonctionne cesse de battre son rythme. Il n'y avait pas de raison pour que le temps, cette simple succession de secondes, y change quelque chose. Cela impliquait des phénomènes physiques trop invraisemblables. Et puis je croyais aux histoires, aux légendes, et je pensais à cette idée de l'âme qui vit quelque part ensuite. J'ai même décrété un temps que nous devions avoir une dizaine de vies, et puis qu'ensuite nous devenions des lutins du Père Noël. Tout s'est compliqué quand le Père Noël a perdu de sa réalité. Tout s'est compliqué quand mon grand-père, à la suite d'une arrière-grand-mère, est décédé, comme ça, sans que personne ne m'ait jamais dit qu'il portait une maladie incurable en lui, mais que je sache pourtant de quoi il retournait, en entendant ma mère hurler le matin. Le lendemain matin de cette histoire que mon père m'avait lue sur un enfant, dont le père soldat ne revient jamais. Et le vide de tout ressenti d'abord, l'absence de sens concret, ce réflexe d'enfant, peut-être même d'adulte encore, que sur le coup, au moins, ça forcera un peu le respect et la paix sociale. On nous plaindra, j'aurai l'attention de mes camarades. Et puis, ce sentiment indescriptible d'absurdité respectueuse face à son corps, à la morgue, que du haut de mes 6 ans, j'ai insisté pour voir, quelques jours avant la crémation. Cette idée qu'il dormait, qu'un bisou le réveillerait. Et ce bisou que je ne fais pas, qui me hantera pendant des années, et sera un nœud principal pour le détricotage de la culpabilité et de l'anxiété généralisée, des troubles obsessionnels compulsifs, qui y sont attachés. La scène de ces adultes qui font tout le nécessaire. La pensée progressive que nous ne nous reverrons jamais, que je ne regarderai jamais plus le livre de la jungle à côté de lui, alternant avec des rêves qui font douter et des moments où je me dis que tout ça est une grosse blague bizarre des adultes ou de mon grand-père, qu'on va arriver à leur appartement et qu'il sera là en criant « surprise ». Mais bien sûr, ça n'arrive pas. J'ai eu une photo de lui à la place. J'ai pu écrire et dessiner au dos. Je ne sais plus quoi. Mais où était-il parti ? Et où était parti son corps une fois incinéré? Ce corps qui avait tant vécu et qui d'un coup disparaissait littéralement en fumée, n'étant plus rien que des cendres, quant à l'emplacement desquelles je refuse toujours de questionner ma grand-mère. Ma grand-mère que vous avez déjà entendue dans un épisode où elle me raconte sa vie. Cette grand-mère qui m'a parlé et écouté de longues heures et nuits dans mon enfance. Elle qui m'a expliqué l'importance du respect des dernières volontés. Elle qui militait pour l'euthanasie. Elle qui me dit encore aujourd'hui ne pas avoir peur de mourir. Elle qui, je le sais, n'a cessé de rêver et parler à mon grand-père toutes ces années, de vivre avec une sorte de souvenir et tous les silences qu'il a laissés. Sacrée grand-mère. Et sacrée mort, qui est devenue ensuite mon obsession, ma source d'angoisse ultime, poussant mes parents à me faire consulter mes premières psys. J'ai envie de profiter de ce podcast pour dire mes morts, pour les refaire un peu exister. La mort d'enfant, la petite sœur d'une amie, la mort d'un autre enfant, malade, dans l'école de mon Adelphes. La mort d'oncles éloignés, d'amis à mes grands-parents et d'amis à mes parents. La mort d'une élève du collège, l'université états-unienne, où j'étais en cursus universitaire. La mort d'un homme au beau milieu d'une joyeuse milonga de tango à Buenos Aires. La mort des parents d'amis. Le risque de mort des amis, par accident ou du fait de pensées suicidaires omniprésentes. Mes propres réflexions sur le sujet, mes phobies d'impulsion. La mort de Léo, ami d'amis, qui me prêtait ce cours de socio à Sciences Po, souffle au cœur, au beau milieu d'une soirée. La mort à petit feu de mon chat, que ma mère emmena chez le véto, tandis que je fixais l'absurde avancée de l'heure après l'avoir entendu une dernière fois miaulait au téléphone. Oui, la mort est constamment là, au détour d'une rue et d'une pensée, et nous l'enfouissons comme nous les enfouissons quand cela arrive. Mais ne pas parler ne fait pas partir cette angoisse et ces incompréhensions. Pas plus que la mort ne fait disparaître ce que nos corps vivent, ce que celles qui s'en occupent estiment qui elles représentent, incarnent, les oppressions et les violences qui elles portent. Alors quand j'ai rencontré Balthazar, personne queer, conseiller funéraire, passionné par son métier, j'ai voulu l'interviewer, pour mieux comprendre ce que la mort implique de nos corps et de la vie des proches, des options que l'on a pour faire ses deuils. Le deuil n'étant pas une porte que l'on ferme une fois pour toutes, mais bien un aller-retour continu, la transformation dans cet ici et ce parmi nous terrestre, vivant, d'une présence active et autonome, qui devient un souvenir multiple qui accompagne. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. Il me semblait important de parler de tout ça, en écartant les tabous et en veillant à garder toujours cette douceur distante pour se préserver. Sous les conseils de Balthazar, j'ai écouté le podcast Traverse de Maya Mazoret sur la perte de son fiancé 7 ans auparavant. 7 ans, le temps, comme elle l'explique, qu'il faudrait à toutes nos cellules pour s'être régénérées et être ainsi un nouveau nous-mêmes. Dans ce podcast, Maya Mazoret raconte étape par étape comment elle s'est confrontée, dès le début, à la perte de l'être aimé. Elle insiste et répète « Ceci n'est pas une histoire triste ». Et son témoignage oscille entre images littéraires gorgées d'émotions et récits qui peuvent sembler choquants. Mais effectivement, qui serait-on pour juger la manière d'accompagner un une morte de quelqu'un une d'autre? Car c'est cela que raconte Maya Mazoret, l'accompagnement de son fiancé dans la mort qu'elle décrit comme un processus dynamique. Soren, son fiancé, n'a toujours pas fini de mourir. Elle devait d'abord accompagner le corps, la chair, partir à la suite de l'âme. Oui, c'était exactement ce qu'elle souhaitait faire, elle, la fiancée rationnelle et athée, qui n'est pas moins convaincue de l'importance des symboles et de l'importance de préserver la dignité du corps et la mémoire honnête. Car cela n'a pas forcément à voir avec la spiritualité. Nous avons très souvent besoin d'accompagner nos morts, et c'est bien pour ça que le métier de conseiller funéraire est aussi fondamental. De même que nous continuons d'adhérer aux mêmes rituels, pas seulement par obligation, parfois violente et stupide de la bureaucratie, mais bien parce qu'il y a quelque chose qui raccroche, qui ancre, comme dit Maya Mazoret. Et dans cette même idée, écouter Balthazar me raconter le soin aux morts et la présence qu'il met dans chaque préparation des corps, jusqu'à la dernière maison, tout cela m'a rassurée. Est-ce que je crois ? Oh oui, je crois bien à quelque chose. J'ai besoin, je crois, de croire aux histoires frissonnantes des fantômes, par exemple. Mais j'ai besoin de toute façon de me dire que le côté brutal de la mort ne fait pas cesser toute notre histoire et le rapport des autres à soi. J'ai besoin de penser que dans cet extrême état de vulnérabilité, mon corps sera considéré, existant, respecté, choyé. Les symboles, les mythes ne sortent pas de nulle part. Face à l'absurdité et la violence de ce que l'on ne comprend pas, il faut que quelque chose persiste. Il faut que la dignité de soi et des autres continue, que notre humanité garde ainsi un sens. J'espère que ce podcast ne vous sera lui non plus ni morbide ni triste, mais qu'il apaisera au contraire. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Salut les auditeuristes, donc aujourd'hui je suis en compagnie de Balthazar et aujourd'hui attention aux oreilles sensibles parce qu'on va parler de mort, de décès, de soins au corps défunt. Donc voilà, si c'est un sujet un peu compliqué pour vous actuellement, bah n'hésitez pas à l'écouter plus tard ou à vous éloigner du poste un petit peu selon les moments. Après on va prendre toutes les précautions possibles. Donc salut Balthazar, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, je m'appelle Balthazar, j'ai 23 ans, je travaille dans le milieu de la mort depuis à peu près 2 ans. J'ai commencé, c'était pas du tout dans cette voie-là. J'ai fait une filière sanitaire et sociale. Je suis passé, comme beaucoup, je pense, par plusieurs étapes. Hein. Au début, je voulais être podologue, puis après, je voulais être infirmier, puis après, je voulais être menuisier. J'ai commencé une formation chez les Compagnons de Devoir en tant que menuisier ébéniste. Et puis, la vie a fait que j'ai arrêté. Et la vie a aussi fait que j'ai connu le métier de conseiller funéraire. En soi, le métier de conseiller funéraire, il se rapproche un peu de mes études. Hein. C'est beaucoup de social. C'est un peu de sanitaire aussi, mine de rien. J'ai gardé cette écoute, cette empathie, ce qu'on s'attend à voir quand on va voir un conseiller funéraire. Donc du coup, je me lance dans la formation de conseiller funéraire. Avant de faire une formation, on nous préconise de faire un stage pour savoir si on se lance dans la bonne voie quand même. Donc je fais un stage chez OGF, précisément chez PFG Arcachon. Okay. Stage de découverte, d'observation. J'ai quand même eu la chance de faire quelque chose pendant ce stage. Je n'ai pas fait qu'observer, j'ai pu faire un entretien famille, j'ai assisté à la préparation, là du coup, d'un corps, j'ai assisté à des obsèques, j'ai pu faire porteur, maître de cérémonie aussi. C'est ça, hyper varié. En fait, j'ai vu la fourchette que nous offrait le milieu funéraire quand on est en agence, en tout cas. Voilà, j'ai pu faire des devis. Des devis pour des contrats obsèques, on en parlera je pense plus tard. Donc me voilà lancé comme un petit fou dans le milieu funéraire en ne sachant pas du tout ce qui m'attend, et à mon grand bonheur d'ailleurs. Donc je fais ce stage, j'aime beaucoup ce que je fais, ce que j'y vois aussi. Une semaine après, je commence la formation qui dure 4 mois. Pendant cette formation, je vais voir beaucoup de choses. C'est une formation extrêmement dense. En plus, c'était au moment là où il y avait des petites régulations au niveau sanitaire et tout. Donc du coup, c'était beaucoup par Internet quand j'étais pas en stage. T'es au milieu de la pandémie, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc du coup, on nous préconisait de rester chez nous. Pour apprendre ce genre de métier. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est assez indigeste, mais ça reste des matières qui sont passionnantes, puisqu'on a, on a de l'histoire, on a de la psychologie, on a du commerce, on a du droit, de la législation. Ouais. Enfin, on a énormément de choses à voir ouais. en peu de temps. Nous, notre formation, elle dure 4 mois, sachant que sur les 4 mois, il y a quand même 2 mois de stage. Okay. Donc c'est 2 mois là où tu vas bouffer des textes de loi et apprendre à être un bon vendeur. La formation que j'ai suivie, moi, c'est Nova Formation. Donc, c'est la formation de Funecap. Okay. Funecap, qui est une chaîne dans l'industrie funéraire. À la sortie de cette formation, j'avais déjà été repéré par Funecap, en fait, qui viennent embaucher un peu pendant les job dating. Et donc, me voilà lancé. Je sais que j'ai un avenir dans le milieu. Okay, c'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on me dit. Et je sais que je peux avancer parce que, quoi qu'il arrive, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont dit « Ok, t'es le prototype même, mais t'as la personnalité d'un conseiller. T'es à l'écoute, t'es bienveillant, t'es dans l'accompagnement, etc. » Donc je me dis « Ok, show must go on y va. Mm-hmm. On va tout déboîter. Okay. » Donc je commence à travailler pour Funecap. J'ai eu la chance, moi, dans ma formation, de voir plusieurs façons de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont envoyé dans plusieurs agences, dans toute la région. Donc j'ai un peu pris des tips de toutes mes collègues, que ce soit au moment de l'entretien famille, que ce soit dans la gestion de l'administratif, parce que dans un métier là où il y a essentiellement de l'administratif, c'est très important d'avoir une organisation. Je l'ai appris. J'ai appris, donc du coup j'ai eu la chance de prendre plein de petits repères, de tips et d'idées. Et donc aujourd'hui, eh bien, en fait, je suis en poste à Roque-Éclair à côté de la Chartreuse. Et je vois toutes sortes de... On appelle ça des familles, mais ce sont des clients aussi. On voit toutes sortes de clientèles. Et aujourd'hui, hein, je suis sûr d'une chose, c'est que j'aime mon métier. Okay. Je veux que ça continue à être un métier et pas un travail, un boulot. Je vois beaucoup de reportages en ce moment, depuis, ça doit faire quoi, un an et demi peut-être, depuis la pandémie, j'ai l'impression, sur qui sont les personnes de l'ombre, les conseillers funéraires, les maîtres de cérémonie, toutes ces personnes qui ont un métier tabou. Tu sais, quand t'es un repas, un apéro, et on te dit, toi, tu fais quoi comme métier ? Mmh. Et que tu dis, bah écoute, moi, je suis conseiller funéraire. Oh ! Tu plombes l'ambiance ? Oh. Ah bah... Je fais la fascination, ouais. Je peux aussi plomber l'ambiance, j'attise la curiosité. Ouais. Et... c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur ce métier. Tu peux les citer, par exemple ? On est des voleurs. Ouais. Parce qu'on fait de l'argent sur la mort des gens. Exactement, on commercialise les décès. Donc on est des voleurs, tout ce à quoi on pense, c'est, bah, du coup, c'est l'argent. On n'a pas vraiment de respect pour les défunts, puisqu'il y a eu des histoires de... Pas de mélange de corps, mais il y a eu des histoires comme quoi on s'était trompé de corps, qu'il y a des gens qui se sont recueillis sur le mauvais corps, etc. Et ça, ça a marqué les esprits. Je tiens à préciser que si ça arrive, déjà, ce sera extrêmement rare parce qu'il y a tellement, tellement de vérifications, que ce soit par la police, que ce soit par nous, que ce soit par les familles. On ne peut plus taire ce genre de choses. Donc, si ça arrive, vraiment, c'est je ne saurais même pas quoi dire parce que c'est presque impossible en fait. Mais du coup, ça vient d'où ? C'était des choses qui étaient avant toutes ces mesures qui datent et qui en fait ont fait. Et qui ont ressurgi à un moment. Okay. Mais c'était avant toutes ces, bah, tous ces contrôles, tout, et c'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs aujourd'hui. Vous savez que pour organiser des obsèques, on a à peu près 10 acteurs. Ok. 10 acteurs à contacter et ces 10 acteurs vont vérifier chacun plusieurs documents. C'est presque impossible de se tromper. En fait, c'est impossible de se tromper. C'est qui les 10 acteurs, du coup ? Alors, qui interviennent ? En acteur, en premier temps, donc, il va y avoir la police. La police avec qui on travaille beaucoup. Ensuite, il va y avoir les mairies, avec qui on travaille énormément aussi. Il va y avoir les cimetières, parce que des fois, les cimetières ne sont pas forcément gérés par les mairies. Dans les grandes communes comme Bordeaux, par exemple, on va avoir un cimetière communal, donc là qui va être géré par la mairie, et on va avoir un cimetière intercommunal qui va être géré dans le cadre de Bordeaux ici, ce sera Mérignac. Tout ce qui est crématorium, le cimetière est géré par le crématorium. Donc il va y avoir ces acteurs-là, on va avoir le culte aussi, quand il va y avoir une bénédiction. Oui, une bénédiction ou messe. Eux aussi vont jouer un rôle primordial, il va y avoir la famille, le plus gros acteur qui puisse être pour cette partie-là. On va avoir... en fait, il y a tellement de personnes. Il y a l'hôpital aussi, l'hôpital qui vérifie. Mais ça, c'est tout le temps ou c'est que, par exemple, si c'est une personne qui est décédée à l'hôpital ? C'est quand c'est une personne qui est décédée à l'hôpital ou qui a eu une autopsie. Ok. Et juste, du coup, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'autopsie, c'est essentiellement quand il y a un doute sur les causes de la mort ou justement une personne très jeune. C'est ça. Alors c'est quand il va y avoir des doutes que le décès va avoir lieu alors que la personne est seule. Okay. Ça peut aussi, c'est très rare, mais ça peut aussi être à la demande de la famille. Okay. Par exemple, j'ai eu le cas d'un décès en Italie, d'une crise cardiaque. La personne avait 56 ans, je crois. 56 ans. Et la famille nous a demandé une autopsie. Ça peut être compréhensible aussi. Donc dans ces cas-là, là on fait une autopsie. Mais donc on va avoir l'hôpital, on va aussi, mine de rien, avoir les tribunaux. Parce que quand on sort d'une autopsie, on doit demander un permis. Que ce soit un permis d'inhumer ou un permis de crémation, il faut demander un permis. Donc il faut le justifier. Automatiquement. Quoi qu'il arrive, on doit demander un permis. Ok. C'est une formalité. C'est une formalité. Okay. Parmi tant d'autres dans le milieu funéraire. Ok. Après, il va y avoir des acteurs un petit peu plus rares, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir affaire à d'autres pompes funèbres, parce qu'on peut travailler en binôme. Si, okay. Par exemple, l'inhumation, je sais pas, elle est dans le nord de la France, tu vois. Mm-hmm. Nous, on peut pas se permettre de mobiliser une équipe de 4 pour aller faire une inhumation dans le nord, ça va nous prendre 2 jours, ça va nous coûter extrêmement cher, donc on fait appel à une autre pompe funèbre. Okay. La pompe funèbre, à ce moment-là, va aussi vérifier nos documents, puisqu'elle est impactée. S'il y a une faute chez nous, elle sera impactée aussi chez elle. Oui, effectivement. On va aussi avoir la préfecture. La préfecture qui nous délivre une dérogation au-delà des 6 jours du moment du décès. À partir de 6 jours, si on n'inhume pas ou on ne fait pas de crémation à partir de ces 6 jours-là, on va avoir besoin d'une dérogation. Et donc on fait une demande à la préfecture. Pareil, la préfecture va vérifier tous nos documents. Donc voilà, on est entouré d'acteurs qui vérifient sans arrêt notre métier. Et heureusement, parce qu'on a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, tellement de choses à voir, que bah, si eux n'étaient pas là, forcément on ferait des erreurs. Okay. Donc là, on est obligé d'être carré sur tout, sur tous les domaines. Petite question concernant ta formation, elle est payante? Et si oui, est-ce que c'est cher? Est-ce qu'il y a des possibilités de financement par Pôle emploi, tout ça? Alors, oui, ce sont des formations privées. Il y a 2 pôles qui existent, il y a Funécap et OGF. Il y en a plus, mais moi, de ce dont j'ai entendu parler en tout cas. Celle que j'ai faite coûte 3000 euros. Elle peut être financée. Elle peut être financée par Mission Locale, elle peut être financée par Pôle Emploi, elle peut être financée aussi par l'employeur. S'il décide de t'embaucher, parce que on peut travailler sans formation pendant 1 an. Au-delà de 1 an, on est obligé d'avoir un diplôme. Okay. Parce qu'on travaille quand même avec des familles en deuil, ça reste quelque chose de complexe. Et donc, cette formation-là, il y a toujours moyen d'avoir une aide financière. Moi, c'est Mission Locale qui me l'a réglé, par exemple. Mais du coup, l'employeur peut aussi la régler. S'il décide de t'embaucher alors que tu n'as pas de formation, tu peux te la faire régler par l'employeur. Ok, ça marche. Là, tu nous as un peu expliqué les différents actrices avec lesquelles tu travaillais. Est-ce qu'on peut revoir un peu comment ça se passe, le parcours du corps du moment du décès jusqu'à comment on dit l'inhumation, c'est ça? Jusqu'au jour des obsèques, oui, en fait. Okay, parce que ça peut être inhumation, crémation. Ah oui, parce que moi je confonds un peu les termes, mais effectivement on va revenir là-dessus. Donc l'inhumation c'est l'enterrement, c'est ça, et crémation c'est l'incinération. Du cercueil, et la crémation en fait c'est la mise à la flamme. Okay. Dans un crématorium. Okay. Alors, du coup, en fait, du lieu de décès, ça va dépendre de où tu décèdes, où la personne va décéder. Si c'est dans un hôpital, on peut décider de laisser le corps dans la chambre funéraire de l'hôpital. Si c'est à domicile, là, à ce moment-là, on va devoir faire un transport en chambre funéraire. Donc, on peut pas, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus laisser un corps à domicile. Donc, de ce transport-là, quoi qu'il arrive, il sera en sécurité. Il sera soit en cellule réfrigérée, soit en salle. À ce moment-là, ça peut être le jour même ou le jour d'après, on reçoit la famille. Et donc de cet entretien, on va définir tout ce qui va se passer, tout ce que moi je vais devoir préparer, que ce soit pour la préparation du corps et que ce soit aussi pour les obsèques. Donc crémation, inhumation, salon de présentation où on reste en cellule réfrigérée. De cet entretien, en fait, ça va se dérouler plusieurs choses. Et il nous faut à peu près un minimum de 4 jours pour organiser des obsèques. Our love is 6 feet under. I can't help but wonder if our grave was watered by the rain. Would roses bloom? Could roses bloom again? Pour l'administratif, qu'est-ce qui rentre dans ces 4 jours du coup? Alors dans ces 4 jours, ça va être la préparation du corps et ça va être contacter tous les acteurs dont on va avoir besoin pour cette obsèque, pour ces obsèques-là. Et ça peut être plus ou moins long parce qu'il y a des mairies qui sont ouvertes que le matin. Il y a des mairies, c'est un jour dans la semaine. Il y a le culte, par exemple, ça va être des créneaux d'à peu près, 10h30, 13h45, et après ils répondent plus. Et l'inhumation, on va avoir aussi des horaires, parce qu'il y a des réservations d'horaires quand on va dans un cimetière. Ouais. Donc, en fait, c'est faire jouer, réussir à trouver une date et faire jouer tous ces acteurs-là, idéalement dans la même journée. Ouais. Parce que c'est assez compliqué pour les personnes de devoir revenir le lendemain ou deux jours après pour faire l'inhumation de leurs défunts. Voilà, donc on essaie de tout réunir dans la même journée. Et donc ça, ça nous prend grosso modo 4 à 5 jours si tout va bien. Et est-ce que c'est vous aussi qui accompagnez... les familles sont autonomes dans le fait de communiquer le jour des obsèques, tout ce qui est, je ne sais pas si on parle de faire part aussi pour les décès, etc. Ou est-ce que vous accompagnez aussi là-dedans? Alors, en fait, dans un entretien famille, dans un premier temps, on les écoute parler. L'important, c'est de les écouter parler, de leur faire comprendre que moi, je suis là avant tout pour faire ce que leurs proches voulaient, dans leur dernière volonté. Ils sont en confiance, c'est ça le principal. Ensuite, à partir de là, moi, je vais réussir à comprendre ce qu'ils veulent au niveau des obsèques. Et je vais établir un devis à la suite. Dans ce devis, on a plusieurs choses. On peut travailler avec le Sud-Ouest ou d'autres journaux pour faire une parution. C'est pas obligatoire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des obsèques, par exemple, où ils ne voulaient pas de parution, ils ne voulaient pas que ça se sache, la date des obsèques. On peut parler de faire part. On n'en fait plus, mais on peut parler de faire part pour annoncer la date des obsèques. Et donc, c'est là, en fait, que notre rôle de conseiller funéraire devient intéressant, c'est qu'on a aussi le secret professionnel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'histoires, on entend de tout. Les gens sont dans un état où ils se confient des choses qu'ils ne diraient jamais, normalement. Donc, du coup, on sait les secrets de famille. Il peut aussi arriver qu'il y ait une personne plus ou moins connue qui soit chez nous. Ça se sait, je ne sais pas comment, mais ça se sait. Et là, on peut être appelé. On peut être appelé, mais n'importe quand. Pour est-ce qu'on peut le voir? C'est quand? C'est quand? C'est quelle date? Des journalistes, des gens proches. Oui, de tout. Des amis, des gens en fait qui n'ont pas, je pense, le respect ou tout du moins qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la famille, ce genre de harcèlement. Mais c'est assez impressionnant en fait de pouvoir côtoyer ces petites expériences. Ça forge aussi beaucoup au niveau du mental. Ça apprend à s'affirmer dans le milieu professionnel parce que j'ai 23 ans et travailler à 23 ans dans le milieu de la mort, ça étonne. Parfois ça peut décrédibiliser aussi, donc on est obligé d'avoir des termes professionnels. C'est montrer que tu es le professionnel et que tu sais ce que tu fais. C'est pas la première fois. Oui, parce que tu travailles seul en plus, tu reçois les familles en tout cas. Oui, je suis dans mon bureau et face à la famille je suis tout seul. Tu as parlé du soin, de la préparation du corps, pardon. Est-ce que tu peux développer un peu les différentes étapes? Est-ce que c'est ok si j'explique comment ça se passe? Oui, maintenant, comme ça, les auditoristes sont prévenus. On va décrire comment se passe un soin de conservation, en fait. Voilà. Du coup, vous pouvez sauter d'environ 5 minutes 33, si jamais c'est quelque chose de difficile à écouter pour vous. Alors, donc, quand on reçoit un corps, déjà, on va le mettre de suite en cellule réfrigérée pour minimiser l'impact du corps au niveau de tout ce qui va être atmosphère, bactéries, etc. Donc, pendant l'élaboration de ce devis, je vais présenter les différentes façons de faire. On a donc le soin de conservation. Le soin de conservation, ça fait souvent très peur. Parce qu'il y a beaucoup de mythes qui disent on enlève tout le sang du corps, on enlève tous les organes. Désolé pour les termes. Non, c'est bon. On enlève tout et en fait, on met juste du formol à bloc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Du coup, en fait, c'est quelque chose de vraiment très médicalisé. Il faut savoir que les thanatopracteurs ont une formation beaucoup, beaucoup plus longue que celle des conseillers funéraires. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ça va être sur plusieurs années. Ils vont suivre un maître d'apprentissage et ils vont devoir faire, je crois que c'est 300 soins de conservation avant de pouvoir commencer à être seuls. Ils vont passer un diplôme. Enfin, c'est comme en médecine, non ? C'est très régulé. Et donc en fait, pendant ce soin, donc on va déshabiller le défunt, s'il est habillé. On va commencer par enlever le contenu de l'estomac. Donc on va aspirer tout le contenu de l'estomac pour des raisons en fait que ça va s'écouler. Ça va s'écouler puisque tout se détend dans un corps quand on décède. À la suite de l'estomac, on va enlever une partie du sang, pas tout le sang, ça sert à rien. Et on va mélanger le sang avec un produit que les thanatopracteurs préparent eux-mêmes, donc à base de formol, mélangé avec de l'eau et un autre produit, je ne sais plus ce que c'est. Mais à chaque fois, c'est un peu du sur-mesure. Donc on va l'injecter dans les veines, dans les artères, et ça va permettre une conservation du corps avec les délais qu'on a aujourd'hui, c'est pas vraiment négligeable, ça va permettre de ralentir les effets du temps sur le corps. Combien de temps à peu près? Alors, si le corps réagit bien, ça peut tenir une semaine, 15 jours. Ok. Voilà. Ouais, quand même. C'est ça. Sachant qu'on va essayer quand même de favoriser la cellule réfrigérée pour vraiment bien faire tenir le soin. Généralement, quand on fait un soin de thanatopraxie, c'est pour un salon de présentation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre le défunt dans un salon pendant à peu près 3 jours, 3-4 jours, pour que la famille vienne se recueillir nuit et jour. Souvent, on fait ce choix-là quand c'est un décès brutal et que la famille a besoin de toucher, de voir, de sentir et d'accompagner leurs proches jusqu'au bout, pour réaliser aussi, ça les aide beaucoup. Le soin de conservation, je prône le soin de conservation parce que j'ai vu l'impact que ça a sur les familles. Le cas le plus fréquent, en fait, c'est quand il y a eu un cancer. Donc, dans le cadre de cancer, la famille a vu le défunt se détruire à petit feu, maigrir, perdre sa couleur, ses cheveux, ses sourcils, etc. Et en fait, le soin permet de... la phrase que j'ai tout le temps, c'est on dirait qu'il dort, il est apaisé. Je le revois comme avant qu'il tombe malade. Et ça permet aussi d'aider au deuil. Ça rend l'image moins violente. Donc dans ce genre de cas-là, je le préconise aussi beaucoup. Il faut savoir qu'un soin de thanatopraxie, tous les corps ne le tolèrent pas. C'est extrêmement rare quand il y a un refus, mais ça peut arriver. C'est-à-dire, ça se manifeste comment? Alors, en fait, le soin ne veut pas être assimilé, c'est-à-dire que la décomposition... La décomposition va quand même avoir lieu de... Qu'il y ait un soin ou pas, hein. ça va rien changer. Mais en fait, le corps va avoir une réaction très rapide. Vraiment très, très rapide. Donc, il va virer dans des teintes inhabituelles. Violet, vert, bleu. Autant pour la suite, sinon. Très embêtant, parce que... On masquait ça. Généralement, on fait des fermetures de cercueil anticipées. Ok. Ça reste quand même extrêmement rare. C'est dû à quoi, on sait ou... En fait, chaque corps est unique et ça, c'est quelque chose d'assez passionnant parce que y a pas, enfin, on a fait des recherches, hein, y a pas forcément de lien avec les corps qui réagissent mal. Okay. Ça arrive comme ça, c'est inexpliqué. Ok, on peut pas l'anticiper. On ne peut pas l'anticiper. Donc on a le soin de thanatopraxie, voilà, qui est fortement conseillé si on veut voir son défunt. On a la toilette de présentation. Donc la toilette de présentation, ça va être, on va habiller le défunt, on va le maquiller, on va fermer la bouche, fermer les yeux, on va essuyer un peu ce qui s'écoule aussi. Et on a la toilette. La toilette, souvent c'est pour les personnes qui ont une religion dans leur vie. Donc ne pas toucher au corps, ne rien faire pénétrer dans le corps, toucher au minimum, vraiment au minimum, le corps. Ça, c'est quelque chose d'assez primordial. On va l'habiller si la famille nous demande de l'habiller, sinon on va le mettre dans un linceul. Et c'est toute une procédure. Le laver 3 fois, c'est assez passionnant, honnêtement, à apprendre. Peu de gens le demandent maintenant, aujourd'hui. Parce que dans notre société... Une toilette ? Oui. Ah ouais. Dans notre société, même si on est religieux ou pas, on a l'habitude de voir les gens habillés, préparés. Apaisé. Donc de moins en moins on nous le demande, ça arrive encore, mais c'est plus rare. Après on peut aussi le laisser tel quel. C'est-à-dire que la famille nous dit non, il voulait pas être habillé, il voulait partir comme il est parti. Donc dans ces cas-là on ne le touche pas. Et généralement la famille ne vient pas le voir. D'accord. Du coup là c'est toilette, habillage. Et soin de thanatopraxie. Okay. Et après ça Donc après ça, je sais qu'on demande au minimum une nuit en cellule réfrigérée. Ensuite, on va passer à l'organisation des obsèques. Donc, vous demandez ça pour la conservation du corps, c'est ça? Avant que les personnes de la famille puissent le voir. Okay. C'est ça. Donc ensuite, on va passer à l'organisation des obsèques. En premier temps, on va faire l'acte de décès. Okay. Parce que sans un acte de décès, on ne peut rien faire. L'acte de décès, on l'a grâce à un certificat de décès qui est souvent truffé d'erreurs, donc on doit souvent le refaire. Est-ce qu'il est fait par les premières personnes qui l'ont trouvé, genre la police ou quelque chose comme ça? Un certificat de décès, c'est établi par un docteur. Ah, ok. Sauf que les docteurs, ils ont pas que ça à faire, quoi. Donc ils vont cocher ça très rapidement, ils vont souvent mal cocher les choses, ils vont pas le faire sur la bonne ligne, ils vont oublier le nom de naissance de la défunte. Et ça, on est bloqué. Quoi qu'il arrive, on est bloqué. Donc ça prend du temps, il faut le refaire faire. Donc avec ce certificat de décès, on établit une déclaration de décès en agence. Une déclaration de décès, en fait, ça va être toute la généalogie, toute l'histoire du défunt. Donc avec qui il a été marié, s'il a été marié, est-ce qu'il a eu des enfants, est-ce qu'il a des parents encore vivants, son métier. Enfin, on va rassembler tout un tas d'informations dont la mairie va avoir besoin. Et c'est ce qui sera marqué sur l'acte de décès. Donc on a besoin de tout un tas de documents qu'on va faire signer à la famille pendant l'entretien famille. Donc certificat de décès, déclaration de décès, avec d'autres documents, on fait un acte de décès. L'acte de décès, on le fait sur le lieu du décès. Ensuite, on va demander la fermeture de cercueil. Du coup, si on a transporté le corps hors de la ville là où la personne est décédée, on doit demander sur... En fait, les démarches suivent le corps. Ok. Donc si, je sais pas, le décès a eu lieu à Mérignac, on fait l'acte de décès à Mérignac. Si le corps est à Bordeaux, on va faire une demande de fermeture de cercueil à Bordeaux. Pareil pour la demande d'inhumation ou la demande de crémation. La demande de crémation, on garde le cas là, on la fera à Bordeaux aussi. Si l'inhumation a lieu, je sais pas, à Carbon Blanc, on va faire la demande d'inhumation à Carbon Blanc. Donc c'est tous ces acteurs-là. Donc après avoir fait toutes ces démarches, c'est dans l'ordre. Après avoir fait toutes ces démarches, si jamais il y a un culte, par exemple une église, on va contacter le prêtre. C'est assez compliqué de les avoir, mais ils sont, pour la majorité, ils sont adorables. Okay. Très à l'écoute. Et donc, on va leur donner tout plein d'informations sur les défunts et sur la personne qui s'occupe des obsèques. Après ça, généralement, là, on est sur 4 jours. Après ça, généralement, si c'est une crémation, on va faire appel à la police. Si on change de département et qu'il n'y a pas la famille, on va faire appel à la police. Pourquoi pour la crémation, il y a besoin de la police et pas pour... Alors, parce que pour la crémation, c'est assez radical. C'est-à-dire qu'en fait, la police est obligée d'attester de l'identité du défunt. On ne peut pas mettre à la flamme quelqu'un s'il n'y a pas la police. Parce que, comme il s'est déjà passé avant, il y a eu des erreurs. Donc maintenant, c'est légalement obligatoire. Okay. Donc, 4 jours pour faire à peu près tout ça. Ensuite, on va avoir toutes les petites choses à côté. Par exemple, si la famille nous demande qu'on travaille avec eux pour une fleuriste. On va faire aussi la commande de fleuriste. Le Sud-Ouest, pareil, on va monter un peu l'insertion dans la presse. C'est hyper divers comme jour, en fait. On a des contacts avec tout le monde. Tout le monde. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est un milieu très concurrentiel. Ok. Mais c'est aussi vraiment passionnant parce qu'on apprend de tout le monde. Ok. Ouais, bah ouais. Ouais. De toute façon, il y aura toujours du travail, quoi. Il y aura toujours du travail. Je pense que aujourd'hui, notre travail est voué à changer un petit peu. Avec la façon de penser des gens qui commencent à changer. Les prix qui augmentent aussi, mine de rien. La pollution. Donc tout ça, je pense que ça c'est voué à se diversifier. Et Dieu merci, Dieu merci. Aujourd'hui, on voit apparaître des cercueils en carton. Ah oui ? Oui. Okay. Bon, c'est pas le meilleur parce que ça pollue aussi. Hein. Ouais. Mais enfin, tout doucement, en fait, ça va commencer à changer. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va être assez passionnant à regarder et à pratiquer, quoi. C'est quoi le plus écologique, en fait, en termes de... D'organisation d'obsèques, de choix ? Ouais, de choix. Aujourd'hui, je dirais que c'est la crémation. Okay. La crémation, parce que dans les nouveaux crématoriums qui sont construits aujourd'hui, depuis 2019, il y a une loi qui dit qu'ils doivent obligatoirement installer des récupérateurs. C'est-à-dire qu'en fait, la pollution est presque à zéro. C'est juste l'utilisation du gaz qui peut poser problème. Mais au niveau de la pollution pour la crémation, voilà, c'est... Maintenant, c'est presque zéro, quoi. Et les restes de cendres, etc., n'est pas... C'est pas une matière polluante. Exactement. Les cendres, par exemple, on peut les mettre en dessous d'un arbre. ça va juste lui donner un peu de... Merde, c'est quoi le terme ? D'engrais. Ouais. Ça va juste lui donner de l'engrais. C'est ça. Enfin, dans d'autres pays, ouais. Par exemple, il y a quelque chose qui se met en place, c'est un cercueil en forme de fœtus, d'œuf. Okay. Et on va le mettre sous un arbre. Enfin, il y a des choses là qui sont mises en place. Cercueil, pas de crémation, du coup, vraiment d'inhumation. C'est ça, d'inhumation, pas forcément en bois, en une matière biodégradable, sans métal, sans vis, sans rien. C'est une espèce de coque d'œuf. Et après, il va y avoir aussi, dans d'autres pays, bien sûr, on va se servir de l'eau. Ça va être comme une crémation, sauf qu'on va se servir de l'eau, qui va tourner très vite, très très vite, et ça va permettre de faire une décomposition du corps accélérée. Ça n'est absolument pas polluant. Donc le corps est plongé dans l'eau ? C'est ça, okay. dans un espèce de tube, mmh. Et ça va permettre une décomposition active du corps. C'est, okay. c'est tout ce qui se présente à nous là, on a tout à construire. Okay. Aujourd'hui, on a tout à construire. C'est passionnant. Et là, tu parles, c'est des enjeux écologiques, des prises de conscience écologiques. Mmh. Mais quelles sont les autres motivations des différents choix d'obsèques? Alors, de moins en moins, en fait, les gens vont se tourner vers l'inhumation, je dirais, traditionnelle. Ok. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. Ouais. Les exhumations, les réductions de corps coûtent extrêmement cher. Réduction de corps ? Oui. Ok, on peut... En fait, les réductions de corps, on peut faire une réduction de corps à partir de 5 ans. Au bout de 5 ans, on peut réduire un corps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va ouvrir le caveau et on va récupérer tous les ossements. Ok. On va les rassembler dans un reliquaire. Et on met le corps déjà enterré, du coup. C'est ça, oui. Ok, pas le corps que j'ai envie de voir, c'est un peu violent, sinon. Okay. Non, on n'agresse pas comme ça, non. D'accord. Donc on rassemble tous les ossements. S'il y en a plusieurs, on va tous les rassembler ensemble dans un reliquaire, ce qui va permettre de faire de la place. Sauf que ça coûte cher. Et c'est vous qui faites ça aussi ? Oui. Ok, donc parce que c'était une autre de mes questions, votre travail ne s'arrête pas forcément à la fin des obsèques, quoi. Non, okay. Non. On fait tout ce qui est à côté, en fait. Okay. On a même développé quelque chose, c'est les démarches après obsèques. Ok. C'est tous les organismes à qui il faut prévenir, il faut envoyer des actes, c'est monter un dossier pour récupérer l'argent qu'on doit récupérer. C'est, voilà, parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Et même quand on travaille dans le milieu funéraire, quand on a affaire à ce genre de situation, ça reste extrêmement compliqué. Mmh. Vraiment. Ok. Et du coup, donc, pour en revenir aux différents choix. Oui. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup plus maintenant la crémation, puisque déjà ça coûte moins cher, c'est moins polluant, et les gens ont envie de garder les cendres chez eux. C'est illégal. Ah ouais ? Oui. Mais ils ont envie de garder les cendres pour rester auprès de leurs proches. Donc, C'est ça, personne ne va venir chez vous vérifier que vous avez bien inhumé l'urne de votre grand-mère, quoi. Et les façons de penser aussi sont différentes maintenant. Ok. Il y a moins ce, entre guillemets, ce respect du corps de il faut pas le toucher, il faut le laisser se décomposer naturellement. Les gens ont toujours besoin d'un endroit où se recueillir, mais différemment. Par exemple, au jardin du souvenir, le jardin du souvenir, en fait, c'est souvent dans les cimetières et au crématorium, c'est un endroit là où on va disperser les cendres. Ok. On n'a plus besoin d'un lieu où venir se recueillir parce que plus personne n'y va maintenant. Les gens se dispersent. C'est vrai. Donc, il faut entretenir la tombe. Ouais. Enfin. Ça coûte cher aussi. Ça coûte cher. Il faut la renouveler. Parce que tu payes, pareil, l'emplacement au cimetière. C'est soit 3 ans, soit 5 ans, soit 10 ans, ouais. Soit 15 ans. Il n'y a plus de perpétuel parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de moyens à long terme, en fait. Donc, les gens se tournent vers des alternatives maintenant. Et donc, il y a la conscience écologique, il y a la façon de penser aussi qui change. Il y a les prix qui font qu'eux aussi. Voilà, en fait, c'est plein de facteurs qui vont être décisionnaires de l'organisation de ces obsèques-là. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule, quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a celles qui veulent mourir seules dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Moi, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert. Dans l'idée qu'on change notre vision du corps décédé, qu'il ne faut absolument pas toucher, etc., est-ce que tu vois des raisons, enfin des sources de ce changement-là? Est-ce que c'est par perméabilité avec d'autres cultures, par exemple? Est-ce que tu as des premières bribes d'explication à ce changement? Alors, déjà, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de personnes isolées. Ok. Donc il y a moins de personnes qui, le terme c'est pas intéressé, mais on va dire que ça va être moins grave pour eux si leur grand-mère est crématisée quelque part en tenue d'Ève. C'est moins important maintenant. Il y a moins de respect envers ses ancêtres. Okay. Ouais, le suivi n'est plus le même. Ok. C'était quoi la question déjà ? Oui, d'où ça venait exactement, le fait de changer, de se tourner de plus en plus, en dehors des considérations économiques et écologiques, du rapport au corps, est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas, plus de... peut-être aussi moins d'impact de la religion, et peut-être même plus de... Je sais pas, j'imagine, de vision, vu qu'on est... Enfin, il y a les nouvelles, comment dire, les nouvelles spiritualités aussi, oui. La vision du feu peut-être. Je ne sais pas si c'est vraiment des idées qui me viennent comme ça, mais je ne sais pas si ça se vérifie ou pas. Alors, oui, en effet, il y a un détachement de la religion aussi, beaucoup, ouais. Qui fait que ça a changé certaines normes. Il y a aussi, mine de rien, le côté financier, ouais. Parce que ça fait très peur. Dans un devis, souvent, les gens disent, bon, ok, on va faire ça, et les met ça. Ok, je présente le devis. Ok, bon, on va enlever ça, parce que déjà de base, des obsèques ça coûte cher. Donc plus on rajoute de prestations, oui, ce sont des prestations, plus on en rajoute, plus ça augmente la note. Et les gens n'ont pas les moyens. Enfin, surtout aujourd'hui. Moi je sais que, encore il y a deux semaines, il y avait une dame qui venait de perdre son frère, orphelin. Et elle me disait, j'ai honte de faire des obsèques à ce prix-là. J'ai honte parce que j'ai pas les moyens de lui donner des obsèques. Elle m'a dit digne. Ouais. Sauf que il faut que les gens comprennent que le prix qu'on met dans des obsèques, ça va pas faire la qualité. Ce qui rend des obsèques belles et dignes. C'est l'amour qu'on y met, en fait. C'est la famille qui vient, qui me parle de son défunt, qui est juste attentionnée à souhait, qui... On sent. Okay. On sent. Et plus elle nous parle de petites choses, de petits détails sur la personne, plus ce sera des obsèques de qualité. Plus ce sera de belles obsèques, très émouvantes. Et c'est pas le prix qui fait la qualité des obsèques. Ça, il faut s'en rendre compte. C'est pas parce qu'on fait des obsèques à 10 000 euros qu'elles vont être magnifiques et non. Et parce que, oui, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais du coup, pour les auditoristes qui ne sauraient pas comme moi, on est obligé effectivement que les obsèques sont de toute façon payantes, donc soit on fait un contrat obsèque, comme tu disais, ou soit même on paie pour ses obsèques de son vivant. Soit c'est les proches du coup de la famille, donc on va redéfinir aussi qui sont ces proches-là, qui doivent payer. Et en fait, les obsèques prises en charge par la mairie, c'est seulement pour les personnes pour lesquelles il y a vraiment personne qui peut payer, quoi. Enfin, c'est les indigents, c'est ça. Oui, c'est ça. Le terme, c'est les indigents. Dans un premier temps, du coup, nous, quand une famille vient nous voir, on demande toujours le lien, l'affiliation. Tout simplement parce que si une personne est mariée, ce sera le conjoint ou la conjointe qui devra s'occuper de signer les documents. S'il y a un cas de divorce, ce seront les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, pas d'époux ou d'épouse, ce sera les frères et sœurs. Ainsi de suite, en fait. Crescendo, on va remonter les liens. Par exemple, pour une crémation, donc la crémation, c'est encore plus réglementé que l'inhumation, c'est obligatoirement l'épouse ou l'enfant qui le demande. Obligatoirement. Si c'est un cousin, une sœur ou quoi que ce soit, il faut une preuve que la personne voulait être crématisée. Voilà. Donc, pour ça, les liens sont très importants et plusieurs fois, on a le question, mais ça fait 30 ans que je vis avec cette personne, je la connais mieux que personne, mais je ne suis pas mariée avec. Donc là, malheureusement, c'est les enfants qui s'en occupent. Parfois, maintenant beaucoup, les enfants n'ont plus de relation avec leurs parents. Et ça fait qu'en fait, ouais, on dépossède la personne qui le conjoint, la conjointe, du défunt parce qu'il n'y a pas de mariage, parce qu'il n'y a pas de lien officiel à la mairie. Ils sont ils ne peuvent rien faire. Le Pax ne vaut rien là-dedans. Le Pax ne vaut rien. Le Pax ne vaut rien du tout. On voit bien le privilège encore une fois de cette institution Du mariage. Oui. Oui. Et la famille le poids que ça. Ensuite, Oui. Okay. Là le poids du sang. Ouais. Oui, et du mariage. Le nombre de fois là où j'ai des enfants qui ont été abandonnés aussi par leurs parents et qui sont appelés pour venir régler les obsèques. Quel enfer! La tension. Et tu peux pas, faire une procédure judiciaire, etc. pour demander à, enfin, dire que tu n'as aucun lien avec cette personne et. Waouh! Non. Non. Donc, ça. Des fois, un décès, ça soulage. Ouais. Parce que la personne souffrait, parce que plein de choses. Mais parfois, ça arrive des choses. Ouais, ça soulève plein de problématiques. Oui. Tu dois aussi assister peut-être à des déchirements aussi, des crises entre les différents membres de famille. Oui. On a un peu cette image, c'est peut-être un peu stéréotypée, mais c'est vrai que souvent on dit que ça, que les décès libèrent un peu les plus mauvais côtés de aussi. Oui. Enfin, ça peut être tout l'inverse, mais. Alors, c'est ça. En fait, il y a les deux cas. Il y a les réunions de famille, là où tout le monde se réunit, tu vois qu'il y a un soutien et les gens se reparlent. Et il y a aussi la séparation, là où ça peut être très violent. Parce qu'en fait, nous, en tant que conseiller funéraire, on est face à toute cette évolution du comportement. L'agressivité, dans ce genre de situation, c'est tout le temps, généralement agressif. On peut pas mettre des coups à son frère ou à sa sœur. On peut pas mettre des coups. Donc c'est le conseiller qui va prendre. Toi, tu t'y prépares à chaque fois. Ah oui, bah il faut. Ok. On est là pour ça. C'est pas grave. Il y en a qui vont venir s'excuser, il y en a d'autres non. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il est question d'argent. Donc les déchirures sont encore plus violentes. Qui va payer? Qui signe les documents? Qu'est-ce que représente le fait de financiariser ça aussi, ça doit être... Ouais. Et surtout, ok, crémation, inhumation. Moi, je veux une crémation, moi, je veux une inhumation. On fait quoi? Ouais, donc, les familles se déchirent beaucoup, mais Dieu merci, il n'y a pas que ça. Et tu te retrouves à arbitre, du coup, par exemple, quand il y a des... Quand les personnes entre elles ne sont pas... d'accord sur le type de cérémonie, etc. à devoir justement être arbitre des différents membres de la famille? Alors, on ne peut pas forcément arbitrer, on peut désamorcer. On est aussi formé dans comment ça s'appelle, tu sais, la décompression des conflits. Désamorçage des tensions. C'est ça, conflits, ouais. Des tensions. On est aussi formé à ça. Trouver une solution. Tu veux une crémation, tu veux une inhumation, ok. On peut procéder à une crémation et inhumer l'urne dans le caveau familial. Ok, ouais, trop. On peut la sceller, on peut faire beaucoup de choses. Trouver une solution. Mais surtout, désamorcer. Le consensus, non. Oui. Oui. C'est de la diplomatie aussi. À l'état pur. Et tout à l'heure, tu m'as parlé aussi du fait que... Donc, on vous apprenait effectivement à parler aux familles et qu'on vous apprenait ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait surtout pas dire. Est-ce que tu as des exemples comme ça de choses... Des expressions, des choses que tu as vraiment banni de ton langage et au contraire que tu as remplacé par autre chose, enfin... Oui. Après, ça va être des termes très techniques. Par exemple, la cellule réfrigérée. Ouais. On s'habitue très rapidement à dire la cellule réfrigérée, parce que sinon, entre nous, c'est le frigo. Ah oui, d'accord. Voilà. Le soin de thanatopraxie, par exemple, on va parler de soins de conservation. Quand on va expliquer pourquoi on fait un soin de conservation, on va éviter certains termes. Par exemple, formol. Oui. On va pas tout expliquer. On va mettre sous silence certaines choses. Sauf si on te demande. Sauf si on me demande, parce que moi, mon devoir, c'est de conseiller et d'expliquer aussi. Ouais. Par exemple, quand on fait des réductions de corps, des dépotages, on va utiliser d'autres termes. Rassembler les ossements. Wow, ouais. La technique du langage. Ah mais oui, c'est fourbe, c'est insidieux, mais en oui. En même temps, c'est important pour préserver un. Ouais. Enfin, et après là, ça soulève justement l'autre question. Est-ce que c'est justement important et nécessaire pour se préserver, ou est-ce que justement cette manière de se préserver, elle entretient pas une forme de tabou? Est-ce qu'on en a besoin finalement de ce tabou d'après toi, ou est-ce que c'est pas une façon encore de mettre à distance? Et ouais, est-ce que c'est une bonne chose finalement cette mise à distance? Alors, je pense pas que ce soit comment dire, je pense pas que ce soit continuer à faire de ce milieu un tabou. Je pense qu'on peut très bien expliquer certaines choses en vulgarisant, ou en tout cas en adoucissant les termes. Parce que les termes existent et ils sont durs. Okay. On n'a pas besoin d'image. C'est la dernière chose dont on a besoin. Donc on essaie toujours de trouver une façon d'expliquer, mais en modérant nos propos. Maintenant, on est là pour dire la vérité, dire ce qui va se passer, mais sans créer un traumatisme chez la personne qu'on a en face. Merci. Je considère pas ça comme entretenir un tabou. Justement, expliquer les choses simplement et avec respect peut permettre une curiosité après, en fait, dans le temps. Dire, ah, ok, on m'a parlé de ça, ben en fait là, je suis prêt à me renseigner. Okay. Je suis prêt à voir ce que c'est réellement. Tu poses des bases. Okay. Et après, quand les personnes se sentent un peu mieux, quand elles ont commencé à faire leur deuil, quand elles sont juste dans l'acceptation, là, ouais, il y a des questions qui vont venir, et c'est très régulier qu'il y ait des personnes qui viennent me voir pour me poser des questions. Je veux dire, est-ce que vous vous souvenez quand vous m'avez parlé de ça, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus en détail? Parce que du coup, je suis assez curieux de savoir comment ça s'est passé, et j'ai besoin de savoir pour finaliser mon deuil, en fait. Il y a des personnes qui reviennent te voir par la suite? Il y a des personnes qui reviennent me voir. Okay. Pour me raconter un peu leur vie. Ok. Pour, ouais, j'ai créé des liens assez incroyables. Ah ouais? Ouais. Venir boire le café, ouais, papoter un peu, venir acheter des trucs. Funéraire, du coup, ou... Souvent c'est en agence. On évite de les faire rentrer dans le salon funéraire parce que ça peut être plus ou moins compliqué. Mais en agence, on a soit dans mon bureau, soit dans le petit salon d'attente. Voilà, enfin, ils viennent acheter quelque chose, ils pensent à nous, ils passent, ils nous offrent des chocolats. Enfin, c'est... Okay. On crée des liens assez puissants puisqu'on est les premières personnes à qui elles se confient. Ok, wow. Ça fait partie de ton travail à part entière, toi, ce... Je suis psychologue. Okay. Je suis complètement psychologue parce que je suis la première personne qu'elle voit après le décès. Effectivement. Donc, ouais. Et surtout, ils savent. Enfin, ils se doutent qu'on entend de tout et de rien. Ouais. Donc à chaque fois, ils ont peur qu'on les juge. Mais moi, j'aime bien dire que je ne suis personne pour juger. Je ne connais pas votre histoire de famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne suis personne pour juger. J'entends de tout. Moi, je suis juste là pour écouter. Est-ce que c'est cet aspect-là qui te plaît le plus ? Enfin, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ? Et qu'est-ce qui, au contraire, peut peser parfois ou stresser même carrément ? Alors, bah, moi, ce qui me plaît, oui, c'est l'écoute. L'écoute active. Quand les gens me parlent de leurs proches, c'est quelque chose d'assez passionnant parce que du coup, on a la vision de plusieurs personnes. Puisque du coup, il y a des personnes qui nous téléphonent pour nous parler aussi. On a la vision de plusieurs personnes d'une même famille, du défunt. Et ouais, connaître une vie qui vient de se terminer, son histoire, pouvoir alléger aussi au moment des démarches, parce que c'est quand même une pression assez monstrueuse de faire les démarches, pouvoir alléger la famille de ce poids-là. C'est-à-dire, ok, là, en fait, quand vous sortez de cette annonce, vous n'avez rien à faire. Je m'occupe de tout. Voilà, là, vous vous recentrez sur vous, vous vous occupez de vous, vous vous réunissez en famille si vous voulez. Mais ouais, j'aime l'écoute, l'accompagnement, le respect, l'empathie. J'aime ce milieu. Je m'épanouis là-dedans. Je dirais que ce qui peut être difficile, c'est quand on a des personnes qui décèdent qui sont jeunes. Ça, on ne peut pas le nier, ça reste très compliqué. Après, il n'y a pas que ça. Faut pas que ce soit quelque chose d'assez spécifique. Hein. Par exemple, un décès brutal, ça va nous marquer, bien sûr. Mais ça peut être aussi quelque chose de tout à fait lambda. Et c'est... Moi, je sais que... J'ai une personne qui m'a touché. Qui m'a touché assez violemment. Ça n'avait rien de violent, de quoi que ce soit. Hein. C'était une vieille personne qui est décédée. Son enfant est venu me voir. On a organisé des obsèques. Mais c'est cette douceur. C'est la douceur qui m'a marqué. Vis-à-vis de son papa. Qu'il avait avec moi aussi. Je sais pas. C'est des personnalités qui marquent aussi. Et qui sont parfois assez violentes. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on va nous demander beaucoup de choses. Et ils s'appuient sur nous. Et c'est cette confiance qu'on nous donne qui va nous marquer. Okay. Enfin, surtout moi, en tout cas personnellement, qui va me marquer. Cette confiance aveugle. Je pense que le suivi psychologique, le manque de suivi psychologique, est problématique dans notre milieu. C'est vrai que quand on voit que dans tout ce qui est travail social, où il y a déjà beaucoup de psychologie de fait, etc., il y a des régulations psy imposées et que vous, vous n'ayez même pas cet accès-là, alors que vous êtes effectivement les premières personnes confrontées à des personnes souvent traumatisées hein, et qui commencent un deuil, enfin, qui sont confrontées en tout cas au décès. Je vais le mettre sur un mode avion. C'est vrai que oui, ça pose question. Alors, ça doit être lié au fait que c'est du privé, j'imagine, mais... Alors, je pense que le fait que ce soit privé est peut-être une des raisons, mais comme tu dis, on est face à des personnes qui sont, pour la majorité, traumatisées ou qui réagissent, en tout cas, au décès de leurs proches de façon violente, assez mauvaise, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, bien sûr. Parce que chacun réagit à sa façon, et on n'est pas là pour juger. Mais tous les jours, on a des entretiens famille. Tous les jours, on voit de la souffrance. Et le fait qu'il n'y ait pas cet accompagnement obligatoire, parce que je pense que ça devrait être obligatoire, je pense que c'est aussi du... Enfin, donc, ouais, le fait qu'on n'ait pas de suivi psy obligatoire, ou au moins conseillé, ou un psy d'entreprise, quoi. Ça favorise, du coup, les gros turnovers, les burn-out. Après, je pense que je suis plutôt bien loti, dans le sens où dans mon entreprise, que ce soit dans mon agence ou dans toutes les agences autour, je vais avoir des collègues. Je ne travaille qu'avec des femmes. Et c'est un luxe que j'ai, parce que quand ça va pas, quand on a un cas difficile, on peut se permettre d'appeler, on peut se permettre de venir manger un midi avec les collègues, leur expliquer ce qui s'est passé. Quand on a un souci et que ça veut pas sortir, elles sont aussi là pour nous aider à évacuer. C'est parce que c'est prédominé par les femmes, ce métier, ou... Alors, faut pas oublier que c'est surtout un métier social, donc oui. Et majoritairement, les gens ont besoin de douceur. Mmh. ont besoin d'empathie et d'accompagnement, et je veux pas faire de stéréotypes, mais de tous les professionnels que j'ai vus, parce que j'ai aussi travaillé avec des hommes, il y a cette douceur qui se dégage des femmes. Ouais, plus que des hommes. Et ça reste une entreprise, et les femmes sont aussi très bonnes pour vendre. Elles ont ce côté, elles te cernent. Elles te cernent très vite, elles savent ce qu'il faut. Donc c'est prédominé pour l'instant par les femmes, oui. Oui, okay. En tant que conseillère, oui. Et oui, les hommes font plutôt quel genre de métier, du coup, dans cet univers-là ? Les hommes seront porteurs, maîtres de cérémonie. Voilà, parce que même mes collègues qui sont thanatopractrices, ce sont des femmes. Ah, ce ne sont que des femmes. Ok, alors que oui, on pourrait se dire, sociologiquement, comme c'est aussi quelque chose qui fait appel à des connaissances médicales, etc., c'est souvent, par exemple, je crois que du côté des légistes, c'est quand même plutôt prédominé par des hommes, 6. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on... Enfin, moi, j'avais plutôt la représentation que ce serait un métier dominé par des hommes, alors qu'en final... Non. Et aussi parce que c'est quelque chose de très physique. Ouais, de plus en plus, on a des gabarits qui sont de plus en plus imposants. Dans les corps, tu veux dire ? Dans les corps. Dans les corps. Et pour les préparer, ça demande un entretien physique assez intense. Vous avez besoin d'être à plusieurs, par exemple ? C'est déjà arrivé qu'on ait besoin d'aider la thanatopractice. Oui. Okay. Pour la préparation, oui. Mais du coup, c'est une légende. C'est un métier qui est prédominé par les femmes. Ok. Les femmes sont dans l'ombre. Super. Et les hommes au devant de la scène. Oui. Oui. Sauf que c'est grâce aux femmes que les femmes y sont écoutées, que l'organisation des obsèques se passe. C'est grâce aux femmes, quoi. Et d'un point de vue des autres intersections minorisées, ça, on parle plutôt des personnes blanches, il y a des personnes racisées, enfin, il y a des personnes porteuses de handicap ou... Alors, oui, on a un quota handicap, comme toutes les grosses entreprises. Après, je sais que mon entreprise aime et commence à s'ouvrir à d'autres horizons, parce qu'elle commence aussi à comprendre que ça lui apporte énormément. Ok. Que ce soit sur la façon de travailler, que ce soit sur la clientèle que ça apporte. Elle s'ouvre tout doucement. Au niveau de la diversité, on est plutôt pas mal. Que ce soit racisé, que ce soit au niveau de l'orientation, que ce soit au niveau du genre. Ok. Tout doucement, il commence à y avoir un impact. C'est lent, c'est très lent. Mais je sens l'entreprise s'ouvrir. Alors moi, étant jeune, donc 23 ans, étant gay aussi, ça a été extrêmement facile de s'intégrer dans l'entreprise avec mes collègues conseillères funéraires. Ok. Parce que je pense qu'elles se sont senties aussi en sécurité. Ouais. J'espère. Ouais. L'étape un peu plus compliquée, ça a été avec les porteurs et maîtres de cérémonie. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un milieu extrêmement macho. Mmh. Et donc, je suis jeune, gay, je travaille avec des femmes, je fais un métier dans le social, je reste assis, entre guillemets, hein, toute la journée. Donc ça a été extrêmement compliqué, et ça l'est toujours. Avec mes collègues masculins, les petites réflexions, les coups bas. Ça reste un milieu sans pitié. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des collègues sur qui t'appuyer et avec qui tu peux parler. Et le rapport à la clientèle, justement, en tant que personne minorisée aussi, est-ce que tu es identifiée comme QRPD par ta clientèle ? Et comment ça se passe ? Alors, oui, je crois que je le porte un peu sur moi, visiblement. Ok. Parce que, étrangement, ça m'est déjà arrivé de me faire draguer. Moi, je les appelle les clients, là, pour le coup, c'est pas des familles, c'est des clients. J'ai déjà eu des réflexions aussi. Non, mais en fait, je veux pas travailler avec lui. Je veux pas qu'il s'occupe de mon père. Le fait que je sois jeune aide aussi beaucoup, parce que j'ai pas le respect du défunt, j'ai pas le respect de l'ancien, dans les stéréotypes. Hein. J'ai aussi de belles rencontres, dans le sens où il y a des personnes qui vont justement s'identifier à moi et qui vont se dire, ok, dans le langage en tout cas queeros, il est safe. J'ai eu pas mal de personnes trans, ouais, qui sont à l'aise. Que j'ai récupéré ces personnes de l'ancienne conseillère qui était là et qui se sont senties assez à l'aise avec moi pour me dire, écoute, voilà, ça c'est mon dead name, est-ce que tu peux me genrer comme ça, est-ce que tu peux m'appeler comme ça, Oui, parce que toi, t'as accès au... J'ai accès littéralement à tout. Ça part du compte en banque au livret de famille, tout. Moi, j'ai commencé à me faire un nom dans le milieu funéraire, en tout cas, au niveau de la communauté. Ok. Ce qui est plutôt rassurant et agréable parce que elles me connaissent en tant que personne, déjà, avant d'être professionnel conseiller, elles me connaissent en tant que personne. Et je les mets suffisamment à l'aise pour qu'elles en parlent avec des amis, des proches, pour qu'eux viennent me voir. Enfin, je pense que ça m'aide autant que ça me porte des fois. Ok. Il y a du pour et il y a du contre. Ok. Et t'as l'impression que, oui, c'est... En tout cas, pour les personnes, les familles, les personnes, du coup, queer qui peuvent venir te voir, le fait de, justement, identifier qu'elles s'adressent à une autre personne queer, ça aide dans l'amorce du processus de deuil Oui, parce que au-delà d'une question de s'identifier, on est une minorité. Donc, automatiquement, on va se raccrocher aux personnes qui nous ressemblent. On se dit, ok, je lui fais encore plus confiance. Après, c'est aussi dangereux. Il suffit que je me loupe sur un truc ou qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, que ce soit pas forcément de mon fait, et ça va être encore plus violent. Ok. La descente va être encore plus violente. Donc, t'as une pression. Il y a une plus grosse pression. Ça t'est arrivé, des mauvaises expériences comme ça? Oui, plusieurs fois. Parce que malheureusement, il y a tellement d'acteurs que je ne peux pas tout gérer. Il y a des choses qui sortent de mon domaine de contrôle. Et donc, quand ça cloche quelque part, là où moi je ne peux rien faire, ils vont tout remettre sur le conseiller funéraire. Ouais. Ce qui est normal. Parce que c'est l'interlocuteur direct. Ouais. C'est ça. C'est moi qui fais le lien avec tout le monde. D'accord. Donc il suffit qu'il y ait un truc là où ça pêche. Par exemple, tu vois la préparation des cercueils. C'est pas moi qui l'a fait. Je passe commande, mais c'est pas moi qui l'a fait. Je peux pas vérifier parce que je vais pas forcément sur le lieu de mise en bière, etc. Il peut arriver qu'il y ait un oubli de capiton. Le capiton, en fait, c'est l'habillage intérieur du cercueil. Tu sais, c'est ce qui ressemble un peu à un lit, à un cocon. Ouais. Il n'est pas à même le bois. Alors, le capiton, ça peut être quelque chose de bon. Est-ce que c'est grave s'il manque? Quand c'est un jeune de 27 ans, oui, c'est grave. Et l'impact, en fait, que ça va avoir... Après, quand c'est... personne ne le voit. Ouais, ça se récupère pas, ça. Ah non. Pas commander un capiton. Non, ça se récupère pas. Wow. Ça se récupère pas. C'est fait. Et après, en fait, de là, généralement, il y a plein de choses qui se découlent. C'est ok, mais en fait, non, ça va pas. La boîte de Pandore. C'est fini. Ok. Donc, ça c'est le plus dangereux. Je dirais, en fait, tu crées un lien de confiance avec la personne. Il y a quelque chose qui va mal se passer, et là, ça va être radical. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. Accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu d'azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. À suivre. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Qu'est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se siente? Perdu la tête, où est le chemin de ma mère? Et pour qui sentis attraction sexuelle affective? Oh, pour d'autres mujeres. Ella deja de ser mujer, por eso? La santé. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.